Le lundi 9 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Des citoyens du quartier Maizeray se disent excédés par la pollution de l'entreprise AIM. Le conseil de quartier demande à la Ville de Québec d'intervenir pour mettre fin à une situation qui durerait depuis plus d'une décennie. L'usine de recyclage de métal serait responsable de poussières et de bruits excessifs, d'après les témoignages recueillis en consultation publique par le conseil de quartier Maizeray. En entrevue à CKRL, le responsable de ce dossier au conseil de quartier affirme que les citoyens en ont assez. Les citoyens commencent à être déçus du peu de résultats. Notre approche a été d'aller à la source, c'est-à-dire rencontrer les personnes, les inviter à une rencontre, obtenir aussi un témoignage de leur part identifiant qu'ils vivent des problématiques. On a eu près de 100 signataires qui déclaraient vivre des inconvénients majeurs de la présence d'AIM. Si les règlements en place permettent à AIM d'opérer de cette façon-là, il faut absolument modifier la réglementation parce que c'est intolérable. Pourquoi est-ce que dans le quartier Maizeray, une telle industrie prend tant d'espace, alors que est-ce que ça serait acceptable dans un autre quartier de la Ville de Québec? Je crois que les citoyens de Maizeray ont tout à fait le droit d'être traités comme le reste de la Ville de Québec. Les chercheurs de Lamundzen pourront continuer leurs travaux pendant encore au moins 5 ans. Le gouvernement fédéral débloque la somme de 18 millions de dollars pour permettre au Brise-Glace de reprendre ses expéditions scientifiques. Depuis 2003, le navire étudie les impacts des changements climatiques dans l'Arctique canadien. L'annonce de son financement survient alors que le fédéral n'a toujours pas confirmé son appui au projet d'Institut nordique du Québec. Nouvel espoir dans le conflit opposant l'État québécois à ses juristes. Les deux parties pourraient retourner à la table des négociations dès cette semaine. Une rencontre informelle doit être tenue aujourd'hui, laissant entrevoir la reprise des négociations. Il s'agit là de signaux encourageants pour ce qui constitue la plus longue grève de l'histoire de la fonction publique québécoise. Enfin, c'est aujourd'hui que débutent les consultations de la SAAC sur la sécurité routière. Jusqu'au 3 mars, la population est invitée à soumettre ses suggestions sur le web pour améliorer le bilan routier au Québec. Les thèmes abordés sont nombreux et vont de l'alcool au volant à la sécurité des piétons et des cyclistes. Des audiences publiques se tiendront également à Québec au début mars. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, entend s'inspirer de ces consultations pour mettre à jour le code de la sécurité routière. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Un ennuagement est prévu cet après-midi avec une faible neige intermittente. Les vents souffleront jusqu'à 15 km/h. On prévoit un maximum de moins 17 degrés cet après-midi, moins 30 avec le refroidissement éolien. Quelques accumulations de neige, 2 cm cette nuit. Les températures seront stables pour atteindre moins 13 au cours de la nuit. Donc le mercure est à la hausse. D'ailleurs, demain, il fera moins 5 degrés. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour mettre en garde sur de potentielles conditions routières difficiles demain mardi. Un système météorologique va atteindre la capitale nationale et pourrait laisser entre 10 et 15 cm de neige demain. Et puis enfin, ça se réchauffe. Mercredi, il fera 3 degrés et même 4 degrés jeudi. Midi Jazz.